80, je dirais, moi. Ça va être cool, hein. Je peux le faire comme ça. Clavier, mais il répond pas. Tu connais, il y a une lecture, c'est hyper cool, hyper simple. Alors moi je la fais avec un capot, donc je te dis d'accord, ça fait sol. Deuxième bout, non, je sais bien, mais moi j'arrive pas à faire le premier bout, quoi, c'est ça. Fa dièse, fa dièse. Là. Fa dièse mi, fa dièse majeur 7. C'est complètement con et j'ai même pas besoin d'un accord. Allez, c'est parti. 3. Tu rigoles? Non, c'est pas trop bas, c'est trop haut. Un vrai morceau, quoi. Voilà. Moi, j'ai les paroles et tout, pas de soucis, quoi. C'est C'est pas compliqué du tout. Hein. Thank you. sorry, I'm bad. Sorry. I have just killed Michael. Sinon, je peux tuer quelqu'un d'autre, hein, si vous voulez. Je peux tuer Bob Dylan. Je vais proposer un truc, c'est hyper simple. Le tempo. On va descendre le tempo double bass. Tu peux à 60. Hey, je suis désolé. Sorry guys. I'm just a shit guy. Sorry. Better. Je suis désolé, hein, j'ai massacré un morceau de Michael Jackson, une perle. Tu m'en veux pas, Armand ? Ta gueule.